apprends-moi comment marcher dans ta vérité. Enseigne-moi tes voies et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi j'espère tous les jours. Mon guide. Tous les